Marc Mendoza. Ta couronne, j'aimerais la prendre. Toi me tester, non, jamais de la France. Tu veux me freiner, tu vas peiner. Mes skins, ah, va béner. Dieu a béni mon style. Dites-vous que je tue sans alibi. Je nique tout et sans m'entraîner comme Danny Bill. Moi, je parle peu comme ceux qui en savent trop. Vieux, j'ai les mêmes urines que Lance Armstrong. La poisse comme alter ego. Entre rue et gosse, belgo. Je suis Victor Hugo avec des grosses lèvres. Entouré, car seul, c'est casse-gueule. Et enfoiré, c'est le seum. Calbeuse, tu m'inquiètes, toi, rien que tu m'inquiètes. Tu m'inquiètes. Ta pompe est sur nac sans ma tête. Mais je m'en tape comme du premier tocard sur la lune. C'est pas des hommes, ils ont des cocards sur l'anus. C'est une tuerie. Mes assos m'ont dit, fais ta sauce. Nous on se coupe du riz. Laisse-moi passer dans ton club. Laisse-moi rentrer, ferme ta queue. Laisse les kiffer, mets mon skull. Laisse pas de taille, voilà. Laisse les coller, range ton gueule. Laisse ton nom tourne, garde ton buzz. Laisse un bruit court, je lui casse les bush. Laisse pas de taille. Si je te ferai la morale, je te dirai ni drogue, ni collale. Mais des capotes, fais pas comme les parents, Nicolas. Ça recommence, ils font des bruits de singes. Disent qu'on grimpe aux arbres, où t'as vu un animal imposable. C'est vous qui êtes drôle, et machin ne traverse pas la jungle, la jungle avec un bouquet de roses. Je sais, la rue t'as eu à l'usure. Et t'aurais fini à la juve sans madame la juge. Rubrique nécro, nécro, j'ai trop de traite dans le dos. Et de la buée dans mes rétros. J'excelle dans l'art, de péter le plafond. Je blague pas, je fonce dans l'art, t'as des spaces bons. Je mets la gomme poteau, trop fait flasher. Ils ont mon album photo. Cette vie je la croque, toi tu la mordis. Ça pue la mordie, moi j'essaie d'amortir et avoir une mordine. Laisse-moi passer dans ton club. Laisse-moi rentrer, ferme ta queue. Laisse les kiffer, mets mon skull. Laisse pas de taille, voilà. Laisse les coller, range ton gueule. Laisse ton nom tourne, garde ton buzz. Laisse un bruit court, je lui casse les bush. Laisse pas de taille. Voilà, style d'un mec robuste. Qu'est-ce qui me prend? Je prends les Ketago, va comme si t'avais trop bu. T'es pas mieux que moi, hein, donc négro. C'est pas ta sœur là-bas, là t'as des grossistes. Ils se mettent à 15 pour fumer un petit con. Fiston, brûleur de bifton comme Gainsbourg. S'accrocher, c'est le jazz quand t'es un dé. Nac, vengeur masqué, jazz, 31 jazz. Mon logo, c'est un thug, roulant de l'herbe. C'est quoi ce trône? Le fauteuil est roulant merde. Avoir ma peau, je te jure, voilà, il c'est cher. Comme dit Kouchen, celle-là va lâcher cher. Laisse-moi passer dans ton club. Laisse-moi rentrer, ferme ta queue. Laisse les kiffer, mets mon skull. Laisse pas de taille. Voilà, laisse les coller, range ton gueule. Laisse ton nom tourne, garde ton buzz. Laisse un bruit court, je lui casse les bush. Laisse tes pas de taille, voilà. Tes pas de taille, voilà. Tes pas de taille, voilà.